Autre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Autre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patarata, mon pote. La voilà, elle arrive comme chaque semaine dans votre radio, c'est la courte échelle aux artistes indépendants. Comme chaque semaine, vous allez y découvrir des artistes émergents, comme on les appelle parfois, des artistes indépendants pleins de talents dans tous les styles différents et surtout venant de tous les pays du monde. Leur donner la parole, si j'ose dire, un instant pour vous présenter leur nouveauté, c'est la mission que s'est donnée la courte échelle. Et je pense que depuis 3 saisons, eh bien, cette mission est réussie. Allez, quoi qu'il en soit, on va commencer avec un artiste allemand, même si son nom ne nous oriente pas forcément vers cette destination. C'est un auteur-compositeur. Il a, d'après les critiques, un instinct sûr et c'est un interprète qui a une présence incomparable. Il s'appelle Bad Temper Joe. Le voici avec Feelin' Bird Blues. She caught my wings, but I wanna get high. She caught my wings, I could not pretend. And this love's coming to an end. And it's a cold, the cold iron's bound. To lay on the floor, to walk on the ground. It's sickness, illness, and it's a disease. Never thought something like this would happen to me. Foul is fair, and fair is foul. It's a king's next crawl, it's a hellhound's howl. It's good, it's bad, a better or worse. A happiness in heaven and sorrow on earth. Oh, it's a tragedy of you and I. In the end, our love's going to die. A doubtful it stood. It's all too weak. Something's happening here, and I hear myself speak. She caught my wings, but I wanna fly. She caught my wings, but I wanna get high. She caught my wings. I could not pretend. This love's coming to an end, and it's a cold, cold iron's bound. Floor to walk on the ground. It's sickness, illness, and it's a disease. Never thought something like this would happen to me. Lost or one. But in the awful end, I'll be dead and done. Three witches gave me my name, like brave Macbeth who walks with the slaves. She cut my wings, but I wanna fly. She cut my wings, but I wanna get high. She cut my wings, I could not pretend. This love's coming to an end, and it's a cold, cold iron's bound to lay on the floor, to walk on the ground. It's sickness, illness, and it's a disease. Bison Chic vous propose une pop française électro-organique. Les voici avec L'ombre d'un soir. Échelle. Aux abois, je me lève, je me noie et j'en crève. Je sens que la nuit s'élève et là, je suis là. Je trinque et je craque, assis là, j'ai le trac. Mes nuits sont gorgées de peur et mes draps. Je brûle de toi l'ombre d'un soir, l'ombre d'un soir. Disparu. Dans un style différent, voici un autre projet porté par Zion Ida Heimanot Bevman. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. People, when I hear it, like a conspiracy. Watch them coming with them vanino. Them come like I stand on a station, you know. To them kitchen with a couple granino. And with 10 pound, I wait for Uncle Sam. Them quick for criminalize, I man. Them say that me a chat pop up in a them region. So it better me pack up and go back on me island. Though them get the info, me get it from England. But Zionette is not a bad man, you know. Zionette is a good man, you know. Don't what they report about the man, because he just a thing of Babylon. Zionette is not a bad man, you know. Zionette is a good man, you know. Don't what they report about the man, because he just a thing of Babylon. Babylon, them not like me. Them come around with a plan, cause them want this part. Rastaman plant the weed I light it. Cause nowadays them a gone like they want exploit it. But you no see it, a them alone want it. But Zionette is not a bad man, you know. Zionette is a good man, you know. Don't what they report about the man, because it's just a thing of Babylon. Zionette is a good man, you know. Don't watch the report about the man, because it's just a thing of Babylon. Watch them coming with them van, you know. Them come like I send on a station, you know. Shoot them get them with a couple gun, you know. And with 10 pound, I wait for Uncle Sam. Them quick for criminalize, I man. Them say that me a chat pop up in a them region. So it better me pack up and go back on me island. So them get the info, me get it from England. But Zionette is not a bad man, you know. Zionette is a good man, you know. Don't what they report about the man, because he just a thing of Babylon. Zionette is not a bad man, you know. Bad man. Zionette is a good man, you know. Don't what they report about the man, because he just a thing of Babylon. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! La musique de Jeannette Berger peu à peu a pris une couleur inimitable, brute et sans artifice. Il était donc logique que sur le chemin qu'elle commence à peine à parcourir, elle ressente le désir de faire un premier point d'étape en forme d'album live. La voici, Jeannette Berger avec Oh Woman. Stole your dream. Si vous êtes fan de la musique funk, le groupe que je vous conseille, c'est Malka Family avec Sur la Lagune, que voici. La courte échelle. Bonsoir. L'album de Seb a pour titre le Zèbre. On va en écouter le titre éponyme dans un instant. Il est sorti officiellement il y a à peine un mois, le 8 octobre dernier. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. De la peinture des zébrures. Mais blanc sur blanc, tu vois ? On n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on est des milliards. L'intime sensation d'être différent, de pas vraiment coller à ce qu'attendent les gens, se tenir tout le temps pour agir normalement, et bien sentir pourtant que c'est pas suffisant. Comprendre tellement bien tout leur putain de travers, voir en fluo l'endroit est-ce qui tourne à l'envers. Les étranges paradoxes de cet univers. Dans les cibelleries de notre pelage pierre, marque de leurs fers zébrés. C'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. C'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Touche du doigt les chemins de mon esprit. Le tour du monde de moi-même, ça fait que je te suis. Je comprends et j'apprends ce que tu es, ce que tu vis. Puisque chaque état que tu as, je l'ai senti aussi. C'est mon incontournable réalité. Hypersensibilité, trop de choses captées. Le seul truc qui me sauve, c'est de le raconter. Si je me tais, je perds ma vie, ma personnalité siphonnée et zébrée. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. C'est vrai. C'est vrai. Salut les amis, amis, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Les idées sont usées aussitôt qu'elles sont nées, c'est la vérité crue. En mouvement perpétuel, les principes et les règles vont toutes mourir, t'as eu? La vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Je répète, la vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Normal de faire l'autruche si on est indompté, pas partager leur vue sur la société. Sur l'amour et de toute façon la vérité, entre ce que les gens disent et ce qu'ils croient vraiment penser. Y'a encore ceux qui le pensent vraiment et la plupart du temps même pour eux ça reste encore un grand mystère à percer. Des enfants sans parents car vivants ou pas ils sont domestiqués. Mais rassure-toi je t'en prie te tue pas car t'es pas si seul que ça. Non je le sais tu n'as pas craqué. J'y ai pensé ça ira si tu veux t'y risquer. Réveille-toi ranime-le de toute façon c'est truqué. Incompris fourvoyé vie comme tu es mon ami sans pression. Dans l'erreur, dans le risque audacieux et brouillon. Saute dans tes vrais désirs en conservant tes vraies protections. Oublie vie le présent, ta vraie actualité, tes propres informations. Ils ont des numéros, tatoués partout sur le corps. Aujourd'hui, les membres de Grand Gilles, à savoir Pierre, Cédric, Jérôme et Stéphane, ont établi leur campement à Tournai en Belgique. Les voici avec Mes pas dans tes pas. La courte échelle. Se répondent La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Un groupe que vous connaissez bien dans la courte échelle, c'est Apollo Junction. Toutes les nouveautés vous sont présentées régulièrement dans cette émission. On ne va pas échapper à la règle. Voici Tucker Family. Autre nouveauté dans cette édition de la courte échelle, Ryan Quinn avec Every Time. La courte échelle. I could feel the stars come alive on the way to your home. In this midnight car crash romance, and I could feel a change in the tide and the way it unfolds. So far apart, but still holding hands, carrying the weight of this truth is bound to break us in two every time. Oh, I love the way you can love me and still cause me pain. Ain't that something? I could lie to my heart. How could I even start when I love the way that you hurt me? Taking in the view of it all on the way to your home in this sunrise English love. I could see a future beyond all the things we have done, but my dreams just won't be enough. Carrying the weight of this past is bound to break us in half every time. You know I love the way you can love me and still cause me pain. Ain't that something? I could hold tight, just cover me. Keep it inside of the lines. Call this only love falling. So hold me up, my darling. I will bleed every time. You know I love the way you can love me and still cause me pain. Ain't that something? I could lie to my heart. How could I even start when I love the way that you hurt me? Retrouvez tous ces artistes et bien d'autres chaque semaine dans La Courte Échelle. Roland Garcia Fons est l'un des virtuoses de la contrebasse les plus célèbres au monde. Depuis plus de 20 ans, il pense la contrebasse comme un instrument soliste, forge de sa propre technique et développe un langage qui n'appartient qu'à lui. Son nouvel album sort ce 12 novembre. En voici un extrait, Le souffle des cordes, c'est le titre éponyme de l'album. Thank you. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le bon vent nous amène Zef. Zef, sur scène comme dans la rue, offre une prestation énergique et authentique. La grande place laissée à l'improvisation dans leur musique développe une connexion unique avec le public qui se laisse porter là où le vent le mène. Zef, back in the game. La courte échelle. On les avait découverts dans la courte échelle en juin dernier. Les voici de retour, The French Mademoiselle avec Sacrée Petite Fille. Se perd au salon, quelle désillusion. Threshold est une nouvelle production signée Mala Oren. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. That shimmer can't be true, 'cause my life is just like a building with a thousand and one rooms to find. To each of them hallways are leading, and I wonder what lies behind. I'm stepping. L'hiver s'installe, vous aurez probablement besoin d'un bon rhumède. Voici Alambic. La courte échelle. Le rhum, le remède, en dessous des 40 degrés. quand le soleil se couche sur la chaise à bascule après chaque secousse. Une pincée de sucre de canne, une tige de menthe, un demi-citron vert. Quand grand-mère voit le fond de son verre, raconte son histoire comme un livre ouvert. Parfois elle fait de la peine, quand elle tient droit à peine. Mais le sang qui bout dans ses veines fait de la vieille dame une reine. Elle est faite du même bois que sa table, elle est imperméable au ravage du temps. Elle dit les mauvais moments c'est l'hiver, patience, bientôt viendra le printemps. On veut le rhum, le remède, mon Dieu comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède, sans les esprits pour nous guider. On veut le rhum, remède, mon Dieu comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède, en dessous des 40 degrés. Bouteille et sur le thermomètre. Grand-mère et son alcoolémie manient l'alambic d'une main de maître. Et elle chante et elle danse. Une fois elle m'a demandé, est-ce que c'est ma tête qui tourne ou bien le monde sous mes pieds. Et elle chante et elle danse encore. Le diable au corps, le diable a donné son accord. Elle vivra tant qu'elle ne dort pas. Le rhum c'est la fête. Elle n'a plus toutes ses dents mais a toujours sa tête. Le rhum c'est la fête. Quand elle verra le dedans du cercueil, elle arrête. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je suis toujours cet écolier, petit garçon en billes noires, souvent mutique et interdit, quand éclate une bagarre. Je suis toujours cet écolier. Refaire le monde avec des rires, avec des rêves, avec des cris, avec trois potes, des vrais de vrais. Cheveux au vent, sandales aux pieds, je crains la foudre et le tonnerre. Et quand une fille me fait du nez, j'oublie la ronde de la terre. Si l'on est petit gabarit, ben, faut se forger le caractère. Demandez à mes ennemis s'ils parviennent à me la faire. Je suis toujours cet écolier, collectionneur de grimaces, de frimousse tachée de glace. J'invente des mots et les ressasse. L'écolier, quelques poèmes dans le cartable, des récrés chocolat au lait et des je t'aime cachés sous l'arbre. Des trésors plein les poches, des promesses, dès que sonne la cloche, l'émotion qui nous berce, la tendresse, les maîtres et les maîtresses. Qui apprend depuis la lune avec mer grand, j'apprends souvent à mes dépens. J'ai pas de grandes théories, de moins en moins de certitudes. Certains prétendent qu'ils ont grandi, mais à ce sujet, je reste prude. Les songes du singe, l'écolier, les songes du singe, j'ai un nouveau projet co-imaginé par Victor Coste et Thomas Lafont. L'auteur et le compositeur mélangent leur écriture et façonnent un monde qu'ils souhaitent lumineux. La Courte Échelle, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le site de La Courte Échelle simplement en tapant sur votre moteur de recherche favori La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, et vous y trouverez tous les renseignements que vous souhaitez. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, avec de nouvelles découvertes. D'ici là, soyez heureux. Tendresse. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.